Nous sommes en guerre, a déclaré hier Emmanuel Macron devant 35 millions de téléspectateurs, 35 millions de Français. Moi, du coup, je suis confiné quelque part en France avec 9 autres personnes et je vous raconte. Rendez-vous ce soir pour le premier épisode.